Le mystère dans les lettres. Dit par Vincent Planchon pour audiocité.net. De pures prérogatives seraient, cette fois, à la merci des bas farceurs. Tout écrit, extérieurement à son trésor, doit, par égard envers ceux dont il emprunte, après tout, pour un objet autre, le langage, présenté, avec les mots, un sens même indifférent, on gagne de détourner l'oisif, charmé que rien ne l'y concerne, à première vue. Salut, exact, de part et d'autre. Si, tout de même, n'inquiétait je ne sais quel miroitement, en dessous, peu séparable de la surface concédée à la rétine, il attire le soupçon. Les malins, entre le public, réclamant de couper court, opinent, avec sérieux, que, juste, la teneur est inintelligible. Malheur ridiculement à qui tombe sous le coup. Il est enveloppé dans une plaisanterie immense et médiocre. Ainsi toujours, pas tant, peut-être, que ne sévit avec ensemble et excès, maintenant, le fléau. Il doit y avoir quelque chose d'occulte au fond de tous. Je crois décidément à quelque chose d'abscon, signifiant fermé et caché, qui habite le commun. Car, sitôt cette masse jetée vers quelque trace que c'est une réalité, existant, par exemple, sur une feuille de papier, dans tel écrit, pas en soi, cela qui est obscur, elle s'agite, ouragan jaloux d'attribuer les ténèbres à quoi que ce soit, profusément, flagramment. Sa crédulité vis-à-vis de plusieurs qui la soulagent, en faisant affaire, bondit à l'excès, et le suppôt d'ombre, d'eux désignés, ne placera un mot, dorénavant, qu'avec un secouement que c'ait été elle, l'énigme, elle ne tranche, par un coup d'éventail de ses jupes. Comprends pas. L'innocent annonça-t-il se moucher. Or, suivant l'instinct de rythme qui l'élie, le poète ne se défend de voir un manque de proportion entre le moyen déchaîné et le résultat. Les individus, à son avis, ont tort dans leur dessein avéré propre, parce qu'ils puisent à quelque encrier sans nuit la vaine couche suffisante d'intelligibilité que lui s'oblige aussi à observer, mais pas seul. Ils agissent peu délicatement, en précipitant à pareil accès la foule, où inclut le génie, que de déverser en un chahut la vaste incompréhension humaine. À propos de ce qui n'importait pas. Jouant la partie, gratuitement soit pour un intérêt mineur, exposant Notre-Dame et patronne à montrer sa déhiscence ou sa lacune à l'égard de quelques rêves, comme la mesure à quoi tout se réduit. Je sais, de fait, qu'ils se poussent en scène et assument, à la parade, eux, la posture humiliante, puisque argués d'obscurité, où nul ne saisira s'ils ne saisissent, et ils ne saisissent pas, implique un renoncement antérieur à juger. Le scandale, quoique représentatif, s'ensuit, hors rapport. Quant à une entreprise qui ne compte pas littérairement, la leur, d'exhiber les choses à un imperturbable premier plan, en camelot, activé par la pression de l'instant, d'accord, écrire, dans le cas, pourquoi, indûment, sauf pour étaler la banalité, plutôt que tendre le nuage, précieux, flottant sur l'intime gouffre de chaque pensée, vu que le vulgaire l'est ce à quoi on décerne, pas plus, un caractère immédiat. Si crûment, qu'en place du labyrinthe illuminé par des fleurs, où convie le loisir, ces ressasseurs, malgré que je me gare d'images pour les mettre, en personne au pied du mur, imitent, sur une route migraineuse, la résurrection en plâtras, debout, de l'interminable aveuglement, sans jet d'eau à l'abri ni verdure pointant par-dessus, que les culs de bouteille et les tessons ingrats. Même la réclame hésite à s'y inscrire. Dites, comme si une clarté, à jet continu, ou qu'elle ne tire d'interruption le caractère momentané de délivrance. La musique, à sa date, est venue balayer cela. Au cours seulement du morceau, à travers des voiles fins, ceux encore, quant à nous-mêmes, un sujet se dégage de leur successive stagnance amassée et dissoute avec art. Disposition l'habituelle. On peut, du reste, commencer d'un éclat triomphal trop brusque pour durer, invitant que ce groupe, en retard, libéré par l'écho, la surprise. L'inverse sont, en un reploiement noir, soucieux d'attester l'état d'esprit sur un point, foulés et épaissis des doutes pour que sorte une splendeur définitive simple. Ce procédé, jumeau, intellectuel, notable dans les symphonies, qui le trouvèrent au répertoire de la nature et du ciel. Je sais, on veut à la musique limiter le mystère quand l'écrit y prétend. Les déchirures suprêmes instrumentales, conséquences d'enroulements transitoires, éclatent plus véridiques, à même, en argumentation de lumière, qu'aucun raisonnement tenu jamais. On s'interroge par quel terme du vocabulaire, sinon dans l'idée, écoutant, les traduire à cause de cette vertu incomparable. Une directe adaptation avec je ne sais, dans le contact, le sentiment glissé qu'un mot détonnerait par intrusion. L'écrit, en vol tacite d'abstraction, reprend ses droits en face de la chute des sons nus. Tous deux, musique et lui, intimant une préalable disjonction, celle de la parole, certainement par effroi de fournir au bavardage. Même aventure contradictoire où ceci descend, dont s'évade cela, mais non sans traîner les gaz d'origine. Tout, à part, base ou pour me recueillir. Je partis d'intention, comme on demande du style, neutre l'imagine-t-on, que son expression ne se fonce par le plongeon ni ne ruisselle d'éclaboussures jaillies, fermée à l'alternative qui est la loi. Quel pivot, j'entends, dans ces contrastes, à l'intelligibilité, il faut une garantie. La syntaxe. Pas ces tours prime sautier, seul, incluse aux facilités de la conversation, quoique l'artifice excelle pour convaincre. Un parler, le français, retient une élégance à paraître en négligé, et le passé témoigne de cette qualité qui s'établit d'abord comme don de race foncièrement exquis. Mais notre littérature dépasse le genre, correspondance ou mémoire. Les abruptes, ô jeu d'ailes, se mireront aussi. Qui les mène perçoit une extraordinaire appropriation de la structure, limpide aux primitives foudres de la logique. Un balbutiement que semble la phrase, ici refoulée dans l'emploi d'incidentes multiples, se compose et s'enlève en quelque équilibre supérieur à balancement prévu d'inversion. S'il plaît à un, que surprend l'envergure d'incriminé, ce sera la langue dont voici les bas. Les mots, d'eux-mêmes, s'exaltent à maintes facettes reconnues la plus rare ou valant pour l'esprit, centre de suspens vibratoire, qui les perçoit indépendamment de la suite ordinaire, projetés en paroi de grotte, tant que dure leur mobilité ou principe, étant ce qui ne se dit pas du discours, prompt tous, avant extinction, à une réciprocité de feu distante ou présentée de biais comme contingence. Le débat, que l'évidence moyenne nécessaire dévie en un détail, reste de grammairien. Même un infortuné se trompa-t-il à chaque occasion, la différence avec le gâchis en faveur couramment ne marque tant qu'un besoin naisse de le distinguer de dénonciateur. Il récuse l'injure d'obscurité. Pourquoi pas, parmi le fond commun, d'autres d'incohérence, de rabâchage, de plagiat, sans recourir à quelque blâme spécial et préventif, ou encore une de platitude. Mais celle-ci, personnelle aux gens qui, pour décharger le public de comprendre, les premiers simulent l'embarras. Je préfère, devant l'agression, rétorquer que des contemporains ne savent pas lire, sinon dans le journal. Ils dispensent, certes, l'avantage de n'interrompre le cœur de préoccupation. Lire. Cette pratique. Appuyer, selon la page, au blanc, qui l'inaugure son ingénuité, à soi, oublieuse même du titre qui parlerait trop haut, et, quand s'aligna dans une brisure, la moindre, disséminée, le hasard vaincu mot par mot, indéfectiblement le blanc revient, tout à l'heure gratuit, certain maintenant, pour conclure que rien au-delà est authentiqué le silence. Virginité qui solitairement, devant une transparence du regard adéquate, elle-même s'est comme divisée en ces fragments de candeur, l'un et l'autre, preuve nuptiale de l'idée. L'air où chant sous le texte, conduisant la divination d'ici là, y applique son motif en fleurons et cul de lampe invisible.